Bienvenue à cette deuxième séance qui sera une séance assez dense et qui suit évidemment la séance du matin qui était très intéressante et très stimulante et qui a donné lieu à des débats passionnants, pas encore très passionnés mais passionnants. Et nous commençons avec une intervention de Madame Mona Hashem, qui est une historienne, une romancière et une productrice de films documentaires. C'est juste à peu près. Et qui va intervenir sur le sujet suivant, l'émancipation par la connaissance, femme savante à travers l'histoire. Bonjour à tous, merci évidemment pour cette invitation. Alors, comment s'y retrouver aujourd'hui entre d'un côté les visions ultra médiatisées de doctrines qui prêchent une vision intégriste, infériorisant la femme, et de l'autre côté des visions tout aussi dominantes qui, sous couvert d'émancipation, reste tout de même imprégné de perceptions assez négatives sur l'islam de manière générale et sur la femme, cette femme dite orientale. Moi, je dis toujours que j'habite à Casablanca, une ville plus à l'Occident que beaucoup de capitales occidentales. Alors, c'est vers l'histoire, au fait, que j'ai choisi de tourner mes recherches. C'est un sujet qui me passionne depuis quelques années déjà. J'ai consacré quelques ouvrages relatifs notamment à l'histoire du Maroc, mais dans un ancrage large, un peu méditerranéen et africain. Et je trouve que l'avantage d'une perspective historique est d'offrir une vision un peu, disons, plus dépassionnée, loin de certaines tensions accolées généralement à ces thématiques. Alors d'abord, je tiens à souligner que la question du savoir ne se pose pas du tout en islam en termes du genre, en termes de genre. Si il existe une sourate qui s'appelle les femmes, il est entendu que, en général, le Coran s'adresse aux hommes et aux femmes sans distinction. Alors des exégètes rapportent, et là je pense que M. Hajami va me corriger, mais en tout cas la référence est exacte, et ces exégètes rapportent que l'épouse du prophète Umm Salama l'aurait un jour interpellée sur le fait que les femmes ne soient pas nommément évoquées dans le Coran, à la suite de quoi aurait été révélé le verset 35 de la sourate Al-Ahzab, les coalisés, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les hommes pieux et les femmes pieuses, les hommes sincères et les femmes sincères, les hommes patients et les femmes patientes, ceux et celles qui craignent Dieu, ceux et celles qui pratiquent la charité, ceux et celles qui observent le jeûne, ceux et celles qui s'en chassent, ceux et celles qui invoquent souvent le nom du Seigneur. À tous et à toutes, Dieu a réservé son pardon et une magnifique récompense. Alors, contrairement à certaines assertions véhiculées par des autorités intellectuelles de la stature d'un Ernest Renan pointant la haine de l'islam à la science, alors les références, évidemment, dans les textes fondamentaux de l'islam sont très nombreuses par rapport à cette incitation à la connaissance, et évidemment les données de l'histoire sont incontestables avec toutes ces personnalités qui se sont illustrées au premier siècle de l'Égypte. Le premier mot de la révélation est bien entendu le mot Iqra, lit, étudie, et il semble que le mot science et ses dérivés soient répétés près de 850 fois dans le Coran, livre sacré bien sûr des musulmans, qui regorge de passages incitant à la science et glorifiant les savants et ceux dotés d'intelligence. Dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Dieu élèvera en degré ceux d'entre vous qui ont cru et ceux qui ont reçu le savoir. Dit, ô mon Seigneur, augmente ma science, etc. Pour sa part, la tradition du prophète retient également un grand nombre de hadiths, communications orales renommées, telles que « les savants sont les héritiers des prophètes »,« l'encre du savant vaut mieux que le sang du martyr »,« demandez la science du berceau jusqu'à la tombe »,« chercher la science serait-ce jusqu'en Chine ». Ce qui est destiné aux hommes autant qu'aux femmes, et ce qui est valable aussi bien pour les sciences islamiques, les sciences religieuses, que pour les sciences profanes, étant entendu que la connaissance des secrets de la création est censée rapprocher du Créateur. Alors, en consultant les anciens ouvrages biographiques et les recueils de traditions, on est extrêmement surpris, ça a été mon cas parce que c'est une thématique à laquelle j'ai consacré deux longs articles dans un journal marocain et sur laquelle je continue à piocher tout en m'étonnant chaque jour un peu plus, et c'est de voir le nombre de femmes qui se sont illustrées dans différents domaines à travers l'histoire et qui, ce qui représente à mon sens l'expression au fait de rayonnement d'une civilisation à un moment donné de son histoire. Alors, les femmes se sont imposées dans différents domaines. Évidemment, le thème de mon exposé concerne la connaissance, mais je trouvais le thème du commandement et de la prise de pouvoir assez significatif, parce que très peu de personnes savent, par exemple, y compris dans le monde musulman, que les femmes ont accédé à des hauts postes de gouvernement. Et là, je vais en citer quelques-unes. Par exemple, il y a Arwa, qui est la première reine dans le monde musulman, issue de la dynastie Sulayhid, qui est affidée aux Fatimides chiites, et qui a gouverné quand même quelque chose comme 40 ans au Yémen, jusqu'à sa mort en 1138. Alors, dans un autre volet, sous les Ayyoubides, qui est une famille d'origine kurde, qui a régné sur l'Égypte, sur le Yémen, sur la Mésopotamie, la Syrie. Et donc, s'illustre la fameuse Shajar ad-Dawl, arbre de perles, une esclave affranchie d'origine arménienne ou turque selon les régions, selon les versions, et qui était l'épouse favorite du sultan Saleh Ayyub. Alors Shajar ad-Dawl a été couronnée en Égypte, où la prière du vendredi au Caire précisément, où la prière du vendredi a été prononcée en son nom et où une monnaie a été frappée à son effigie. Et c'était en 1250, une date marquée par la 7e croisade qui était dirigée par le roi de France Louis IX, surnommé Saint-Louis. Alors il y a d'autres figures, il y a en Inde Radia, d'ascendance turque, qui va prendre le pouvoir à Delhi en 1236 et qui va succéder à son père qu'il avait déclaré héritière au détriment de descendants mâles, de ses enfants mâles, en raison des qualités de Radia. Dans les roupies, disait, les roupies inscrites en son nom, la décrivaient comme étant l'élite des femmes, la reine du monde. Alors au Maroc, évidemment, je ne peux pas ne pas citer Zohr Lawatassid, qui a régné une petite année, mais tout de même une année sur la ville de Fès. En l'année 1472, elle est issue d'une dynastie berbère issue des steppes orientales. Et puis, il y a la fameuse Al-Hurra, reine de Tétouan, qui était alors une cité-état et dans laquelle elle a quand même pris le pouvoir pendant une trentaine d'années en menant des opérations jihadiennes, militaires, corsaires contre les Ibères qui occupaient alors plusieurs côtes du littoral et qui étaient en pleine reconquista, ces opérations jihadiennes qui, elles, évidemment, relèvent généralement de la sphère masculine. Sans oublier évidemment toutes ces femmes qui, sans prendre réellement les commandes, ont usé de tout leur poids sur le plan politique. On peut citer entre autres femmes Khayzuran, une esclave yéménite qui a joué un rôle de premier plan sous le règne abbasside, d'abord auprès de son époux, le calife El-Mahdi, puis de ses deux fils, le calife El-Hadi, puis le fameux successeur Haroun al-Rachid. Et encore un exemple du Maroc avec la sultane savante, telle qu'elle a été surnommée par Magali Morsi, qui lui consacre une biographie dans les Africains, et qui était l'épouse du grand sultan contemporain de Louis XIV et de Louis XVI, et qui fut Moulay Ismaïl. Loin de cette image de ces femmes, ces sortes d'odalisques qui sont confinées dans les harems et qui sont exclues des affaires du monde, et tout en rampant par la même occasion avec cette assertion en vogue aussi bien en Occident que dans le monde musulman, selon laquelle les femmes n'auraient pas accès au pouvoir politique. Et en ce sens, on se base sur un hadith selon lequel nul peuple ne prospérera sous le règne d'une femme. Et dont Dr Asma Al-Marabit, qui est parmi nous, a effectué une excellente et épatante analyse critique en citant les auteurs qui l'ont remis en cause et en expliquant le contexte lié à l'apparition de ce hadith. Alors, pour rester dans le domaine qui concerne précisément le cadre de cet exposé, comme je vous disais tout à l'heure, il est significatif de voir que le monde musulman a produit, et franchement, je suis la première à être épatée. C'est pas pour tomber dans l'écueil, c'était mieux avant, mais c'est une véritable réalité à laquelle j'ai été confrontée et qui m'a interpellée et qui interpellera certainement d'autres personnes, de voir ces personnes-là, toutes ces femmes-là, qui se sont illustrées dans le domaine des sciences religieuses. Alors, les épouses du prophète et mères des croyants, comme on les surnomme, par exemple Hafsa, Aïcha, Salama, étaient connues pour leur mémorisation de la révélation et pour leur possession de parchemins, de versets du Coran, qui ont contribué à la mise par écrit du texte coranique au sein d'un seul et même livre. Alors, Hafsa, il semble qu'elle écrivait de ses mains les textes mémorisés, et a joué le rôle de référence au moment de la compilation qui a été effectuée par le premier calife Abu Bakr al-Siddiq à la suite de la mort d'un grand nombre de récitateurs survenus dans le cadre de ce qu'on appelle les guerres d'apostasie. Et son père, donc le père de Hafsa, le deuxième calife Omar, donc lui aurait légué une copie du recueil entier compilé du Coran qu'elle aurait remis elle-même au troisième calife Othman et qui aurait servi au codex maître qu'on appelle Al-Mus'haf Al-Imam. Alors ça c'est pour la partie de la mémorisation du texte coranique et la contribution à la mise par écrit. Alors en plus de cela, il y a toute cette partie qui est relative à la recension des hadiths et dans laquelle les femmes ont là encore ont joué un rôle déterminant. Depuis, évidemment, les sahabiyettes, qui sont les épouses du prophète, ses proches parentes, et puis toutes ces femmes qui l'ont côtoyé, qui ont voyagé à sa rencontre, ou qui lui ont fait acte d'allégeance, dans un acte, rappelons-le, fondamentalement politique. Alors, le rôle de ces sahabiyettes, évidemment, paraît tout à fait logique de par leur proximité avec le prophète, dont elles ont relaté à la fois les faits et les dits, qui rentrent bien sûr dans le registre de la tradition, de la sunna, qui est la deuxième source et la seconde source législative de l'islam après le Coran. Alors, les ouvrages fondamentaux relatifs au hadith, rédigés par des compilateurs comme Al-Bukhari, comme Muslim, comme Ibn Majah et bien d'autres, retiennent quelque chose comme plus de 2500 hadiths rapportés par des femmes. Parmi ces femmes, évidemment, Aïcha, épouse du prophète, occupe un rang particulier. En plus, bien sûr, de son rôle sur le plan politique, on sait tous le rôle qu'elle aura joué, notamment durant la bataille du chameau. Aïcha avait été une grande dépositaire de la tradition par sa transmission d'un très grand nombre de hadiths et comme l'une des interprètes consultée dans différentes questions, notamment d'ordre juridique. Le traditionnaliste Hisham ibn Urwa, qui était son... dont elle était la tante maternelle, on dit « Jamais je n'ai vu personne de plus instruit en matière de jurisprudence, de médecine ou de poésie que Aïcha. » Dans son dictionnaire biographique intitulé « Al-Isaba, Fitamiz al-Sahaba, identification juste des compagnons », le théologien et juriste Ibn Hajar, qui a grandi en Égypte au XIVe siècle et qui a vécu aussi au XVe siècle, à la fin du XIVe, donc XVe siècle, a consacré la cinquième partie de son ouvrage à la biographie de personnalités féminines. Et on trouve ainsi la biographie de 1500 femmes, sur un ensemble tout de même de 13 000 biographies, des femmes qui sont rangées parmi celles qui ont côtoyé le prophète, dont évidemment un grand nombre de lettrés. Alors, pendant le règne des califes bien guidés, dont la mission était de fixer le dogme, puis durant le règne des Omeyyades, avec la capitale Damas, vont s'illustrer un très très grand nombre de personnalités, beaucoup de personnalités. Évidemment, je ne peux pas toutes les traiter parce qu'il y a des ouvrages spécialisés qui en recensent des centaines et des centaines, mais je vais prendre juste quelques exemples. J'en ai sélectionné quelques-unes pour illustrer. Donc, il y a Ad-Darda qui est morte en 700. Elle était considérée comme la référence dans les sciences du hadith, supérieure en cela à ses homologues masculins. Versée aussi en jurisprudence, qu'elle enseignait dans les mosquées de Damas et dans les mosquées de Jérusalem. Et on dit que le calife Omeyyad Abdel Malik ibn Marwan assistait à ses cours publics dispensés. Je suis désolée, normalement il est éteint. Donc à des cours publics qui étaient dispensés aussi bien aux hommes et aux femmes. Et évidemment, moi j'ai lu sa biographie dans les sources ancienne et j'étais épatée, je me disais non, je rêve, non, peut-être j'ai mal lu, peut-être que j'ai mal compris, et je relisais, et au fait, plusieurs fois, on disait qu'elle priait dans le rang des femmes, des hommes, pardon, dans la mosquée, et ça m'a vraiment intriguée, je tenais à le relever. Alors, il y a aussi une autre femme parmi tant d'autres, il y a l'érudite ascète Hafsa, fille de l'imam Ibn Sirin, qui est née pendant le règne du calife Othman et qui est morte à Basra durant le règne Omeyyad. Elle rapportait elle aussi des hadiths, elle interprétait des versets du Coran, elle a fermé un très grand nombre de théologiens et de théologiennes. Un peu plus tard, sous le règne abbasside qui avait pour foyer civilisationnel Bagdad, bon, on s'illustrait là encore beaucoup de personnalités féminines, à commencer par Sayyida Nafisa, qui est de la lignée du prophète, qui est née à la Mecque et qui est formée depuis son jeune âge à l'école de l'imam Malik, qui est le fondateur de l'école juridique malikite, qui est l'une des quatre écoles juridiques sunnites de l'islam. Et après son mariage, Sayyida Nafisa va s'établir en Égypte, où elle sera adulée et où elle va dispenser des cours avec plusieurs disciples qui vont fréquenter son cercle académique de la stature de l'imam Shafi'i, qui est évidemment le fondateur de l'école, là encore, sunnite juridique qui porte son nom, l'école, donc le Rite Shafi'ite. Évidemment, plein d'autres noms, je ne veux pas alourdir, mais je pense que c'est significatif de donner quelques éclairages pour pouvoir illustrer les propos. Il y a Karima al-Marouzia, qui est décrite pour sa part comme l'autorité de référence de son époque du recueil d'Al-Bukhari. Elle dispensait des cours à la mosquée sacrée de la Mecque, où elle a trouvé la mort en 1070. Comment ne pas évoquer aussi au XIe et XIIe siècle Shurda, fille d'Ibri, qui était savante traditionnaliste, qui était écrivain et calligraphe, née à Bagdad mais originaire du Kurdistan iranien. Elle a été formée par plusieurs savants depuis son jeune âge et elle-même a eu plusieurs disciples durant de grands théologiens de l'école juridique Hanbalite, Ibn al-Jawzi ou al-Maqdisi. Alors, un peu plus tard, au XIIe siècle, il y a Fatima bint Mohammed, qui était présentée dans les ouvrages biographiques comme étant une shéha savante. Elle est désignée aussi sous le titre de Mousnida d'Ispahan, en référence à ses capacités de rapporter les chaînes de transmetteurs des hadiths. Pendant cette fois l'époque qui va voir les conflits entre les Mamelouks et les Mongols, va s'illustrer Zainab al-Harraniya, qui était une grande savante de Damas et une enseignante avec entre autres disciples le grand savant traditionnaliste de l'école Hanbalite Ibn Taymiyyah, dont l'image est toujours pratiquement et surtout en ce moment associée au rigorisme, voire autre chose. Alors, des exemples au fait succincts pour dire que dès les premiers siècles de l'Égypte, des femmes se sont imposées comme spécialistes du hadith, comme enseignantes expertes, soit des chouyours, ou comme muftia, autorité bien sûr informant sur les affaires religieuses, interprétant la loi canonique et émettant bien sûr des fatwas et des avis juridiques. Alors, elles étaient consultées par des étudiants, hommes et femmes, dans les mosquées qui se présentaient alors non comme de stricts espaces de prière comme c'est souvent le cas aujourd'hui, mais comme des espaces pluridisciplinaires, des complexes qui contiennent des bibliothèques, des médersas, voilà, et des institutions d'éducation publique ouvertes à tous, hommes et femmes. Alors, les sources historiques vont jusqu'à relever le nom d'une femme qui s'appelle Waraqa, qui aurait été imam, désignée par le prophète en personne pour diriger la prière. Évidemment, j'ai la référence de toutes ces données. Pour ceux que ça intéresse, je peux les fournir. Et donc, il lui a donné un muezzin qui l'a chargé de la prière. Et là encore, il y a des divergences sur le fait de savoir si cette prière était destinée uniquement aux gens de sa maison ou à l'extérieur de son quartier, enfin à l'extérieur de sa maison et tout le quartier, si c'était destiné uniquement aux femmes de sa maison ou aux hommes, s'il s'agissait de prières obligatoires ou surérogatoires. Là, c'est les réponses me dépassent, mais il n'en reste pas moins que le cas est évoqué et on sait à quel point ce sujet est polémique jusqu'à nos jours sur la question de l'imamat des femmes. Alors, quoi qu'il en soit, les différents érudits musulmans ont joint aux biographies de célébrités plusieurs portraits de femmes savantes. L'historien Kayrot du XVe siècle, As-Sakhawi, a répertorié plus de 1000 femmes savantes dans son ouvrage Ad-Daw al-Lami' li Ahl al-Qarn at-Tasi', l'élite dorée, le rayon doré, pardon, de l'élite du IXe siècle. D'autres ouvrages biographiques contiennent des portraits de femmes marquantes, tels le livre consacré à l'histoire de Bagdad, et qui est écrit par Al-Khatib al-Baghdadi au XIe siècle, qui comprend des biographies de savants, de penseurs, de membres de l'élite, où il consacre une section aux femmes, notamment celles versées dans le domaine du hadith et de la jurisprudence. Lui-même avait été formé par des femmes qu'il n'hésite pas à mentionner, de même, de toute façon, que beaucoup d'autres penseurs ou brillants esprits n'ont pas hésité à reconnaître, au fait, et à témoigner tout simplement qu'ils ont reçu leur savoir de personnalité féminine. C'est le cas, par exemple, d'Ibn Hazm, qui est né à Cordoue au Xe siècle, qui est auteur de plusieurs ouvrages, dont son ouvrage de jeunesse, le Tawq al-Hamama, le collier de la colombe, qui est désigné par ailleurs comme un catéchisme de l'amour courtois, pratiquement un siècle avant la naissance de la lyrique des troubadours, et dans lequel il confesse et rapporte son expérience auprès des femmes qui lui avaient appris, selon lui, le Coran, nourri de poèmes et familiarisé avec l'écriture. D'un autre côté, le théologien damascain du XIIe siècle, Ibn Asakir, aurait été initié pour sa part par 1200 savants et plus de 80 savantes, dont Zainab bint Abdelrahman, morte en 1218 à Nishapur, et qui lui a donné son diplôme, qu'on appelle Al-Ijaza, relatif à sa maîtrise de l'ouvrage fondamental de l'imam Malik qui s'appelle Al-Muwatta, soit littéralement la voie rendue aisée. Alors, de son côté, l'imam Ibn Hajar, né au Caire au XIVe siècle, aurait été instruit avec ses comptes de disciples à l'école de Aisha Al-Hanbaliya, pour ne citer qu'elle. Bien sûr, je ne peux pas ne pas citer le grand voyageur marocain Ibn Battuta qui, au XIVe siècle et lors de son passage à Damas, aurait été au cours dispensé par deux femmes qu'il nomme respectueusement Shéra, et qu'il cite nommément dans son ouvrage, et qui lui ont délivré, là encore, le diplôme appelé Al-Ijaza. Alors, ce ne sont pas évidemment les témoignages qui manquent, ce ne sont pas les sources historiques qui manquent, et je peux juste donner, pour éviter de tomber dans des descriptions fastidieuses, des noms comme celui de Ad-Dahabi, qui est un historien et un spécialiste du hadith né à Damas, ou encore l'éminent savant égyptien As-Suyuti du XVe siècle. Alors, là, on a parlé des sciences religieuses, mais en plus des sciences religieuses, les femmes se sont distinguées à un moment donné de l'histoire dans d'autres disciplines artistiques, littéraires ou scientifiques. Dans son ouvrage, Al-Mu'jab, consacré à l'histoire de l'Occident musulman au XIIe, XIIIe siècle, Al-Muraqushi, qui cite un autre auteur, Ibn Fayyad, rapporte que dans une seule rue, dans un seul quartier de Cordoue, excellaient 70 femmes expertes dans la calligraphie koufique. Évidemment, il faut savoir qu'au-delà de l'aspect ornemental et esthétique, le calligraphe est aussi copiste et permet la diffusion du livre avant évidemment la naissance de l'imprimerie. Alors, dans cette même cité andalouse, sous le règne du calife Omayyad al-Hakam II, s'était illustrée sa secrétaire particulière, et non moins esclave, tout de même, rappelons-le, Lubna, qui avait excellé dans les domaines de la grammaire et de la poésie, et qui avait été aussi copiste dans la bibliothèque de la ville, qui réunissait quelque chose comme 400 volumes, où elle a contribué également à des travaux de traduction. Alors, plusieurs femmes musulmanes ont brillé par ailleurs dans le domaine de la poésie. Et là, il y a toute catégorie de femmes. Il y a des princesses, il y a des esclaves, pour ne pas justement catégoriser ces femmes-là, parce qu'on peut commencer par une femme comme Sukaina, dont on a retenu surtout les poèmes, disons, les éloges funéraires qu'elle a fait, mais on a oublié toute cette poésie d'amour fabuleuse qu'elle avait produite. Elle avait même tenu d'ailleurs un salon littéraire qui était fréquenté par des poètes de la stature de Jarir ou de Al-Farazda, en passant à Bagdad par exemple au 9e siècle avec Al-Fadl, qui était esclave du calife Abbasid al-Mutawakkil, jusqu'à Cordoue au XIe siècle avec une poétesse, pour ne citer qu'elle, comme la princesse Omeyyad Walleda, qui tenait un salon littéraire qui rivalisait en joute poétique avec des poètes hommes dans une liberté de ton qui, franchement, étonnerait de nos jours. Alors, durant la période Mamelouk, continue à s'illustrer des femmes telles Aïcha al-Baounia, qui est auteure d'ouvrages juridiques, littéraires et de poèmes mystiques, sans oublier évidemment toutes ces femmes mécènes qui ont contribué à l'édification de bibliothèques, de mosquées, d'autres œuvres de charité, parce que c'était des édifices publics. Là encore, à commencer par Fatima al-Fihriya, qui est issue d'une famille d'origine kerouanaise, dont le père s'était établi dans la ville de Fès, alors en plein essor, et où elle a fondé, dans la médina de Fès, en 863, la mosquée Qarawiyyin, qui fera office d'université, la première du monde musulman, 4 siècles avant la Sorbonne. Alors là, c'est pour le volet sciences religieuses, pour le volet littérature, poésie, mais qu'en est-il des sciences exactes? Et là, nous sommes confrontés tout de même à la rareté des sources, ce qui demande une longue reconstruction pour essayer un petit peu d'éclaircir ces zones d'ombre et essayer de percer les silences de ceux finalement qui écrivent l'histoire. Alors, nous savons que pour le cas de l'exercice de la médecine, des femmes se sont illustrées dans cet art de guérir qui avait été d'abord domestique et puis bien sûr étendu à la sphère publique, et ce depuis le début de l'islam auprès du prophète sur le champ des batailles, les premières livrées à cette époque-là, et dans lesquelles les femmes ont joué un rôle déterminant. Et parmi dans ces ouvrages que je cite, parce qu'ils sont très facilement trouvables, en plus sur le net, moi je les ai téléchargés, un bon nombre d'entre eux bien sûr en arabe, sont disponibles, ils sont en plusieurs volumes et un petit peu fastidieux à lire, mais toutes les références sont là, et toutes ces femmes-là sont citées. Celle-ci, par exemple, qui avait exercé la médecine, elle n'est pas la seule du temps du prophète, sont signalées avec leur généalogie, un petit peu comme c'est l'usage dans ce type d'ouvrage biographique. Alors, parmi ces femmes se trouve Rufayda al-Aslamiya, qui est considérée comme la première femme chirurgien de l'islam et qui tient sa science de son père. Son expérience médicale avait été mise au service de la création des premières unités de soins mobiles, en assurant en même temps la direction des groupes d'infirmières volontaires. Alors, même si la place de ces femmes-là apparaît moins abondante ou moins présente par rapport à leurs homologues masculins, on va les retrouver tout de même à travers les siècles dans des activités liées à la pratique médicale, notamment avec Zainab de la tribu des Bani Aoud, qui s'était illustrée pendant le règne Omeyyad et qui exerçait l'ophtalmologie en soignant aussi bien les hommes que les femmes, comme cela ressort notamment dans l'ouvrage d'Isfahani. De son côté, le persan Ibn Sina, connu en Occident sous le nom d'Avicenne, mentionne dans son fameux « Le canon de la médecine » qui restera longtemps une référence dans les universités européennes, la présence de femmes médecins, notamment des gynécologues obstétriciennes. Au XIIe siècle, cette fois, sous le règne des Almohades, qui ont unifié le Maghreb et l'Andalousie avec Marrakech pour capitale, vont s'illustrer, du moins celles qui sont mentionnées, deux femmes qui sont de la famille d'Abou Bakr ibn Zohr, qui est connue dans les sources chrétiennes sous le nom d'Aben Zohar. Et parmi ces femmes, il y a sa sœur Oumou Amr ibn Zohr, qui officiait également en tant que médecin. Alors là, on va changer de registre. On passe par exemple au registre de l'astronomie. Et il y a un nom assez marquant, celui d'Al-Hijriya, qui est nommé aussi Al-Astrolabia, en rapport, en référence à sa maîtrise et sa science de la confection de l'astrolabe, cet instrument qui permet de représenter le mouvement des astres, de calculer l'heure et de calculer aussi bien la latitude que la longitude. Sa biographie apparaît dans Al-Fihris, qui est un ouvrage encyclopédique du Xe siècle de l'érudit Ibn Nadim, où on apprend qu'elle tenait sa science de son père, qu'elle avait été formée auprès d'un personnage qui s'appelle Bitolus, et que pour son service, elle avait été, pour sa maîtrise plutôt, elle aurait été au service de l'émir Abbaside d'Alep, qui s'appelle Saif ad-Dawla. Alors pour conclure ce volet, je vais citer le monde des mathématiques avec une dame parmi d'autres. Là encore, je fais bref parce que ça aurait été, là encore, comme je vous ai dit, extrêmement fastidieux. Une dame qui s'appelle Soutaïta al-Mahamili, qui est morte en 985. Elle est citée par plusieurs auteurs comme étant native de Bagdad pendant le règne abbasside. Elle aurait excellé d'abord comme mufti et comme traditionnaliste, et également en tant que mathématicienne versée en arithmétique et en équation liée aux affaires de succession. Et pour cela, elle aurait été consultée par les tribunaux de Bagdad. Alors, ce survol sommaire permet de relativiser en quelque sorte certains postulats rattachés à la condition de la femme en islam. Dans ce cadre, et c'est surprenant de constater que... Pardon ? Oui, bien sûr. Alors, il est courant d'évoquer la condition de la femme musulmane dans l'histoire en faisant un parallélisme avec la situation de la femme occidentale aujourd'hui, alors qu'il est tout de même plus cohérent et plus logique de comparer le comparable, c'est-à-dire leurs conditions aux mêmes époques historiques. Alors, nul besoin de faire un développement sur le péché accolé à Ève et qu'il a fait damner par l'Église et désigné par des épithètes peu flatteurs par certains pères de l'Église comme Saint Antonin, Saint Jean de Damas, Saint Jérôme, la désignant comme étant l'arme du diable, l'arme du démon, sentinelle avancée de l'enfer, etc. C'est Ève qui aurait succombé la première au fruit de la connaissance et qui devait être maintenue pour son intérêt et celui du monde dans l'ignorance. Et nous pouvons à partir de là constater qu'en Occident, l'enseignement était réservé à une élite et aux hommes, centralisant généralement l'éducation des femmes dans les couvents et la contenant dans les tâches domestiques. Au XVe siècle, le grand chancelier de l'Université de Paris, Jean-Charles Gerson, affirmait « Tout enseignement pour les femmes doit être considéré comme suspect. » Même un esprit universel de la stature de Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle ne reconnaissait pas le droit de l'égalité, à l'égalité en matière d'éducation, étant donné la dissemblance entre leurs deux natures et les rôles dévolus aux uns et aux autres. Alors, il consent bien sûr à ce qu'elles apprennent des choses, mais pour ajouter seulement celles qu'il leur convient de savoir. Pour ajouter encore plus loin, dans son fameux Émile ou de l'éducation, la femme aura l'éducation qui lui convient. Alors, au premier rang de cet apprentissage figurent les cours de couture, de broderie, de dentelle, de dessin, mais pas au paysage ou aux figures, précise bien sûr notre philosophe des Lumières. Alors en France, il aura fallu attendre la date de 1850 pour voir les écoles s'ouvrir aux filles dans le cadre de la loi Fallou relative à l'instruction publique tandis que la loi Guizot, qui avait été promulguée auparavant, exactement en 1833, laissait la liberté aux communes d'ouvrir des écoles primaires pour les filles, sans réelle exécution sur le terrain, jusqu'à la promulgation en 1882 de la loi Ferry, qui reconnaît l'égalité des sexes en matière d'éducation. Alors, au terme de cet exposé, et au-delà de la question du genre, je pense qu'il est légitime de se demander ce qui s'est passé depuis cette époque où le monde musulman a produit tout de même des personnalités universelles reconnues face à cette forme de léthargie qui sévit dans le monde musulman et dont l'un des signes les plus frappants est le taux d'analphabétisme dans un bon nombre de pays musulmans. Alors je pense qu'au moment où le monde musulman s'était distingué sur le plan civilisationnel, les femmes ont brillé au même titre que leurs homologues masculins pour payer le prix fort à l'heure du déclin de cette civilisation, sans que l'on puisse réellement parler de guerre entre les sexes, bien que le poids des pratiques matriarcales soit évidemment marquant. Alors bien sûr, comme je disais en préambule, loin de moi l'idée de tomber dans l'écueil de « c'était mieux avant », mais ceci dit, la régression sociale et la stagnation intellectuelle est un fait et se répercute en quelque sorte de manière manifeste sur la condition féminine. Je termine d'ici peu. Alors la longue période de déclin s'est opérée, là encore, bien sûr, selon les aires géographiques, puisqu'elle varie d'une période à une autre, par exemple à Bagdad dès le XIIIe siècle avec l'invasion mongole, expliquant l'émergence au XIXe siècle du mouvement de la Nahda, renaissance qui induit déjà lui-même par son appellation la notion de décadence de ce qui prévalait. Et c'est un mouvement qui a été initié, comme vous le savez, par des intellectuels, un ensemble d'intellectuels, dans un contexte de démembrement de l'Empire ottoman et du choc culturel opéré au contact avec le monde occidental et les nouveaux modèles qui s'imposaient, en invitant à une déconstruction des lectures traditionnalistes et en privilégiant cet effort et cet ijtihad en rapport avec le contexte dans lequel ils ont évolué. Alors, quelques plumes vont se distinguer dans ce combat pour la libération axé sur les femmes à l'éducation, notamment avec le réformateur égyptien Rifa'a at-Tahtawi, auteur du guide fidèle pour l'instruction des filles et des garçons. L'égyptien Qasim Amin n'hésite pas quant à lui, et son éclairage est extrêmement intéressant parce qu'il lie exactement la condition féminine au despotisme dans son ouvrage Tahrir al-Mar'a, Libération de la femme, paru en 1898. Là, je le cite très rapidement, on voit la femme sous le joug de l'homme et l'homme sous le joug du gouvernement, là où les femmes jouissent de leur liberté individuelle, les hommes jouissent de leur liberté politique, les deux situations sont interdépendantes. Alors, à la suite de ces projets modernistes de renaissance avec la Nahda ou de Islah, c'est l'émergence plus tard, comme nous le constatons, de mouvements islamistes qui vont connaître un succès grandissant, surtout avec le succès, disons, relatif de la révolution iranienne, et qui présente un petit peu l'islam et le retour sur soi comme seule alternative, en restant toutefois victime d'interprétations, souvent les plus radicales malheureusement, et qui sont financées, il faut bien le reconnaître, par des puissants pouvoirs politiques. Et ceux-là même qui se gargarisent aujourd'hui de cet âge d'or des pieux prédécesseurs qu'on appelle le salaf, ceux-mêmes qui chantent l'âge d'or de cette civilisation musulmane à un moment donné de son histoire, sont ceux-là même qui, des fois, interdisent à leurs filles de fréquenter des universités mixtes, sont ceux-là même qui abreuvent les mouftis de questions totalement stupides de savoir si leurs filles ont droit de pratiquer telle ou telle discipline, sont les mêmes qui vont se soigner avec la ruqya sharia, soit la guérison légale et les lectures de versets du Coran à la place de visiter les médecins. Et il est malheureusement à craindre que dans des sociétés patriarcales de plus en plus inégalitaires, de plus en plus machistes, fermées un petit peu, hermétiques à tous ces vents de renouveau, il est à craindre de voir s'accentuer ces pratiques culturelles rétrogrades sous le prétexte justement de retrouver ce fameux islam des salafs, en faisant référence à une longue liste de chaires et de listes d'interprétations au détriment d'une compréhension claire et manifeste, comme on peut la lire très clairement dans le Coran. Mais ceci dit, je reste persuadée malgré tout que même si le chemin reste long, je pense que c'est uniquement par la voie du savoir et par la voie de la connaissance, quel que soit le temps que cela prendra, c'est uniquement par ce biais qu'on peut être sûr de trouver le moyen efficace pour lutter contre les ravages de l'endoctrinement, pour favoriser l'esprit critique et pour combattre toutes les formes d'aliénation de quelque courant qu'elle se situe. Merci. Merci. Merci.